Bienvenue dans Affaires Sensibles qui innove. Notre émission vous propose en effet cette semaine une série de fiction en 6 épisodes intitulée L'Otage, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par François Luciani et Mathieu Aron, réalisée par Cédric Aussire. Voici donc le premier épisode d'une série de fiction inédite adaptée d'une histoire réelle, l'affaire Alstom. De lundi à jeudi, tous les après-midi, nous plongerons dans un véritable thriller, un scandale d'État. En 2014, la France vend le contrôle de ses centrales nucléaires à l'américain General Electric. Pourquoi ? Patrick Cron, l'ancien PDG d'Alstom, affirme dans une interview au Monde que cette décision, qui est sa décision, n'était aucunement liée aux poursuites judiciaires américaines et donc elle ne répondait à aucun chantage. Pourtant, Frédéric Pierucci, un ancien patron d'une des filiales d'Alstom, se retrouve au cœur de ce thriller à 12 milliards de dollars. Là encore, pourquoi ? Eh bien, au travers de l'histoire bien réelle de cet homme, jeté dans une prison de haute sécurité aux États-Unis pendant 14 mois pour corruption, notre fiction enquête sur les raisons qui ont fait que la France a perdu le contrôle d'une partie de ses centrales nucléaires. Elle révèle ainsi les dessous de la plus grande entreprise de déstabilisation économique de ces dernières années, ou comment le géant américain General Electric a pu mettre la main sur la branche énergie d'Alstom. C'est une histoire industrielle, un thriller économique et une terrifiante aventure humaine. Dans le livre « Le piège américain » de Frédéric Pierucci et Mathieu Aron, journaliste à l'Obs, ouvrage paru aux éditions Jean-Claude Dattès, il ressort que cette histoire illustrerait la guerre économique que les États-Unis livrent à l'Europe pour s'emparer de ses pépites industrielles et même s'il le faut, en détournant le droit et la morale. Dans le premier épisode de la série, nous sommes en avril 2013. Frédéric Pierucci, 44 ans, patron monde de la division chaudière de la multinationale Alstom, arrive à l'aéroport JFK de New York pour un voyage d'affaires. Or, dès sa descente d'avion, il est arrêté, menotté et amené au siège du FBI à Manhattan. Un procureur lui propose de devenir un infiltré au sein de sa propre société, de coopérer pour faire tomber Alstom dans une affaire internationale de corruption. Frédéric Pierucci refuse, après tout. Il n'est pas poursuivi pour enrichissement personnel, il n'a rien touché. Mais les autorités américaines lui reprochent d'avoir su et de n'avoir rien fait, et cela suffit pour l'emprisonner. Voilà, après la diffusion de ce premier épisode, nous recevrons Mathieu Aron, grand reporter à l'Obs donc, co-auteur avec Frédéric Pierucci du livre « Le piège américain » et co-scénariste avec François Luciani de son adaptation pour cette fiction radio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. L'otage de François Luciani. D'après Le piège américain de Frédéric Pierucci et Mathieu Aron, publié aux éditions Jean-Claude Lattès. Réalisation Cédric Aussire. Premier épisode, l'arrestation. Ladies and gentlemen, we just landed to New York JFK International Airport. It's 4 minutes past 8 o'clock and the outside temperature is 12 degrees. Boeing 777 en provenance de Singapour. 14 avril 2013. Monsieur Pierucci est prié de se présenter au personnel de bord au moment du débarquement, merci. Monsieur Pierucci ? Oui ? Vous avez fait bon voyage ? Oui, bien sûr, pourquoi ? Il y a des personnes qui demandent à vous voir. Des personnes ? À quel sujet ? Je sais pas, monsieur. Ils vous attendent au pied de l'appareil. Je vous accompagne ? Non, je vous remercie, ça sera utile. Frédéric Pierucci ? Oui, c'est moi. Inspecteur Ron Marshall, FBI. Vous êtes en état d'arrestation. Ça va pas, non ? Qu'est-ce que vous faites ? Mais lâchez-moi ! Inutile de crier, monsieur Pierucci. Vous débattre, ça sert à rien. Vous ne faites qu'aggraver votre cas. C'est impossible. Vous devez vous tromper, c'est une erreur. Nous avons l'ordre de vous conduire devant le procureur Novak, au centre du FBI de Manhattan. Le procureur vous communiquera l'accusation vous concernant. Mais j'ai rien fait de mal. C'est forcément une erreur. Emmenez-le. Je me suis toujours demandé ce qu'il se serait passé si je n'étais pas descendu de cet avion. Si j'avais refusé de débarquer. Ils auraient pu m'arrêter ? Non, sûrement pas. Je n'avais pas encore mis le pied sur le sol américain. Alors, il s'en est fallu de pas grand-chose. Un demi-mètre de trop sur le tarmac. Deux misérables petits pas plonger en enfer. Mais pourquoi donc aurais-je refusé de quitter cet avion, puisque j'ignorais tout de ce qu'il me voulait? Vous savez, Fred, je peux vous appeler Fred, n'est-ce pas? Non, monsieur. Mon nom, c'est Pierotti. Frédéric Pierotti. Je sais. Eh bien, moi, voyez-vous, je vous trouve sympa. Vous êtes calmé. Alors, je vais vous faire une fleur. Pas la peine. Je ne vous ai rien demandé. Vous aviez déjà porté des menottes auparavant? À votre avis? Des poignets serrés comme ça dans votre dos, ça vous fait mal, non? Je peux vous aider. Vous savez, on est entre nous. Non, on n'est pas entre nous, monsieur. Je n'ai rien à vous dire. Je voudrais comprendre à quoi rime tout ce cirque. Là où vous emmène, vous aurez tout le temps de comprendre. Vous n'aurez que ça à faire. Savoir pourquoi. D'abord, vous le savez très bien. Ne faites pas semblant. Les criminels, ils ne savent jamais pourquoi on les arrête. C'est bizarre. Vous pouvez me dire ce qu'on me reproche exactement? Tous les mêmes. Toujours pressés de savoir pourquoi ils vont rester à l'ombre un sacré bout de temps. C'est dingue, ça. Vous trouvez pas, non? Arrêtez de me prendre pour un idiot, s'il vous plaît. Si vous avez quelque chose de précis à me dire, dites-le. Un col blanc. Là où vous allez, ça va faire tâche. Vous croyez que vous me faites peur? J'en ai vu d'autres, hein, vous savez. Joe, enlève-lui les menottes. C'est mieux, non? Vous pourriez me dire merci. Je n'ai rien à vous dire. C'est juste pour le voyage, ok? Après, on les remet, c'est normal. Réglementaire. Réglementaire? Ça? Tu parles. Et un petit conseil. Si vous voulez survivre ici, dans le Connecticut, restez poli. Ça vaudra mieux pour vous. À peine arrivé devant le siège du FBI, ils m'ont brutalement extrait de la voiture, menotté à nouveau dans le dos, et ils m'ont jeté dans un ascenseur. Avancez en arrière, Fred. Pardon? Vous n'avez pas le droit de savoir sur quel bouton j'appuie, ok? Sécurité. N'importe quoi. Vous n'avez pas le droit de savoir où vous serez interrogé. Mais t'es malade, hein? Vous êtes des grands malades. Reculez! Les mains dans le dos, Pierotti. C'est un ordre. Les portes de l'ascenseur se sont refermées sans que je ne puisse savoir où j'allais. 3 minutes plus tard, je suis arrivé à un étage mystère. Une porte blindée s'est ouverte, refermée aussitôt. Monsieur Pierotti, je m'appelle David Novak. Je suis procureur fédéral dans le Connecticut, en charge du dossier Alstom, votre employeur. Vous avez été interpellé dans le cadre des poursuites pour corruption que nous avons ouvertes contre votre société. C'est moi qui dirige cette enquête. Vous êtes accusé d'avoir participé à des actes de corruption visant un parlementaire indonésien dans le cadre du contrat de Tarahan. Nous avons lancé des investigations depuis maintenant 3 ans sur les pratiques d'Alstom dans bon nombre de pays. Comme le prévoit la législation américaine, votre groupe en a été informé. Et pourtant, votre entreprise, malgré ses promesses, refuse depuis 2010 de coopérer pleinement avec le département de justice de notre pays. Alstom ne respecte aucun de ses engagements. Aucun. Il avait l'air furieux. J'avais envie de lui répondre. Je ne suis ni le PDG d'Alstom, ni son directeur juridique. Je n'appartiens ni au conseil d'administration, ni au comité exécutif. Mais il me parle d'un ton sec, sans discontinuer, sûr de son pouvoir. Monsieur Pierucci, je vous conseille vivement de collaborer avec nous. Nous avons besoin de renseignements sur les activités du groupe Alstom. Notamment sur la filière énergie, les engagements du groupe, les contrats en cours. Je ne comprends pas, monsieur. Nous connaissons très bien votre position au sein d'Alstom. Nous savons que dans cette affaire indonésienne, vous n'avez pas eu de rôle décisionnaire. Aucun enrichissement personnel. C'est exact. Ce que nous voulons, monsieur Pierucci, c'est poursuivre la direction générale d'Alstom, et notamment son PDG, monsieur Cron. Nous vous demandons donc de ne pas les informer de votre interpellation. Vous ne devez pas les joindre, et donc renoncer pour le moment à un avocat. Vous comprenez? Non, monsieur, je ne comprends pas. On aimerait que vous fassiez des choses pour nous, monsieur Pierucci. C'est dans votre intérêt, croyez-moi. Devenir une taupe, c'est ce qu'il me demandait. Je me suis vu alors en bon élève du séminaire que j'avais suivi quelques semaines auparavant et qui avait pour thème les risques juridiques de notre profession. Un hasard. On nous avait remis un petit papier format carte de visite où étaient inscrits les numéros de téléphone à appeler en cas d'arrestation et 2 règles. Auxquels ne jamais déroger. 1. Ne rien dire. 2. Appeler la direction juridique d'Alstom qui illico dépêchera un avocat. En bon petit soldat, j'ai appliqué les règles à la lettre. Désolé, monsieur le procureur, mais je ne comprends pas ce que vous voulez. Alors permettez-moi de prévenir mon entreprise ainsi que mon consulat. Très bien. Inspecteur, donnez-lui son portable. Ron Marshall me tend le portable qu'il m'avait confisqué quelques heures auparavant. Le procureur quitte la pièce. Je fais le numéro de Charles Breck, le directeur juridique du groupe. Il est 5 heures du matin à Paris. Le vide. Alors ? Je rappellerai dans un quart d'heure. Je vous donne 10 minutes, pas une de plus. Vous pouvez appeler votre femme en attendant, frère. Elle sera contente d'avoir de vos nouvelles. Pourquoi me proposait-il à cet instant d'appeler Clara ? Si je l'appelais à cette heure-ci, elle allait s'inquiéter. J'allais réveiller les enfants, ils se mettraient à pleurer, ce serait le drame à la maison. Je devrais les rassurer, leur dire que tout allait bien, alors que... Pourquoi l'appeler maintenant, en pleine nuit ? J'ai compris, en une seconde, que la proposition de Ron Marshall n'était qu'une crasse, une technique de flic pour me déstabiliser, fragiliser un détenu dont on espère les informations. J'appellerai Clara plus tard. Elle dort en ce moment. Pas la peine de la réveiller pour si peu. Comme vous voulez, Fred. Je vais plutôt tenter à nouveau mon directeur juridique. Ok ? Ok, Fred. Allô ? Charles ? Tu m'entends ? C'est moi, c'est Fred. La conversation était très courte. Je lui ai dit en deux mots ce qu'il m'arrivait, et il m'a répondu qu'il ne fallait surtout rien dire, garder le silence. Il m'a répété que le groupe était en négociation avec le département de justice américain, qu'ils étaient sur le point de trouver un accord. Je n'avais aucun souci à me faire. Il m'a envoyé un avocat, et il me ferait sortir sous caution dans les 24 heures. Et il a raccroché. Cela a duré 2 minutes, pas plus. C'est OK ? OK. Alors, monsieur Pierucci, quel est votre choix ? Je n'ai rien à me reprocher, monsieur le procureur. Je suis prêt à tout dire sur mon rôle dans l'affaire indonésienne. Un rôle secondaire où je n'ai pas touché un centime. Mais pour cela, j'ai besoin d'un avocat. Hein. Je ne connais pas la justice américaine. Très bien. Je comprends que vous ne souhaitez pas collaborer avec nous. Dans ce cas, je vais donc vous transférer à la prison de Manhattan. Vous y passerez la nuit. Demain, vous comparaîtrez devant une juge du tribunal du Connecticut. Vous aurez le droit de rencontrer votre défenseur. La juge statuera sur votre maintien ou non en détention. Je souhaite prévenir mon consulat, monsieur. Allez-y. Tenez. Allô, oui, je voudrais parler à monsieur le consul, s'il vous plaît. Comment ça, il n'y a personne ? Le consul est en voyage, vous plaisantez, enfin... Passez-le-moi. Mais procureur Novak à l'appareil, je vous demande de bien vouloir noter que monsieur Frédéric Pierucci, ressortissant français, sera officiellement entendu demain au tribunal de New Haven en raison des faits qui lui sont reprochés. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur Pierucci. Une heure après, je découvrais la prison de Manhattan. La puanteur, les cris, à croire qu'on se bat, qu'on s'entretue à tous les étages. À l'entrée, deux gardiens m'ordonnent de me déshabiller. Ils me prennent ma montre, mon alliance, mes chaussures. Je suis nu. Ils me demandent de m'accroupir, d'écarter les jambes et de tousser. Un surveillant se poste derrière moi pour vérifier que rien ne sort de mon anus. Un gardien me demande d'enfiler une combinaison orange. Il est 3 heures du matin. Un maton me pousse à l'intérieur d'une cellule crasseuse et verrouille aussitôt la porte. Je ne comprends toujours pas ce que je fais là. Je cherche le sommeil, en vain, dans la lumière du néon qui ne s'éteint jamais. Bien dormi, Fred ? Encore moi. J'emmène à l'audience, ça vous va ? Est-ce que je pourrais prendre une douche, s'il vous plaît ? Ah non, mon vieux, c'est pas prévu aujourd'hui. Désolé. De toute façon, on n'a pas le temps. L'audience commence dans 2 heures. Allez, hop, dépêche. J'ai à peine eu le temps de me passer un peu d'eau sur le visage et il m'embarquait déjà dans un véhicule blindé en direction du tribunal de New Haven, à 2 heures de route de New York. C'est là où j'ai fait connaissance avec mon avocate. Bonjour. Bonjour, Monsieur Pierucci. Je suis Liz Carlson, votre avocate. Le service juridique d'Alstom a contacté mon cabinet ce matin. Ils m'ont demandé d'assurer votre défense. Enchanté, Monsieur Pierucci. Vous pouvez m'expliquer ce que je fais ici ? Il n'y a aucune raison de me retenir en prison. Aucune. Cette situation est ignoble. Monsieur Pierucci, autant vous le dire tout de suite, les charges retenues contre vous sont très sérieuses. Il va vous falloir beaucoup de patience. Mais quelles charges ? Il n'y en a aucune. Vous le savez très bien. Corruption et blanchiment d'argent. Vous risquez 240 mois minimum. Mais non, vous savez très bien que cette affaire de contrat indonésien date d'il y a plus de 10 ans. Je n'ai pas touché un centime sur ce contrat, pas plus que sur aucune autre transaction du groupe. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça ? Où sont les preuves qui m'accusent ? Vous pouvez me le dire ? Montrez-les-moi ! Monsieur, ce n'est pas le problème. Dans la mesure où vous êtes un cadre dirigeant du groupe Alstom, la justice américaine vous considère comme complice des actes de votre groupe. Le département de justice américain a lancé une enquête sur les actes de corruption dont elle soupçonne Alstom depuis de nombreuses années. Le dispositif du Foreign Corrupt Practices Act, la loi anticorruption américaine si vous préférez, permet à la justice américaine de poursuivre quiconque qui, par des faits de corruption n'importe où dans le monde, nuirait de près ou de loin aux intérêts économiques américains. Vous êtes dans le collimateur, Monsieur Pierucci. C'est impossible. Sachez que vous n'êtes pas le premier de chez Alstom à être poursuivi. Votre collègue David Kimber a déjà été mis en examen. Il a accepté de plaider coupable et dans la foulée, il a négocié une peine ne pouvant pas dépasser 5 ans. David ? 5 ans ? Non mais dites-moi que c'est pas vrai. Le droit américain est très spécifique, vous savez. L'essentiel, c'est qu'Alstom ait accepté de payer votre défense. Vous avez de la chance. De la chance ? Vous trouvez ? De toute façon, aujourd'hui, il ne sera pas question du fond. Je vais demander au juge votre remise en liberté. Je vais proposer une caution de 100 000 dollars. Cela devrait amplement suffire pour convaincre le magistrat de vous faire sortir. Elle devait avoir à peine 35 ans. Elle semblait assez sûre d'elle, mais je sentais qu'elle hésitait. Elle doutait, peut-être par manque d'expérience. Je ne savais pas encore qu'elle ne maîtrisait rien de ce dossier. La présidente du tribunal était Madame Emma Finkel. Elle ignorait tout de l'affaire. Elle m'a demandé si je comprenais bien l'anglais. En moins d'une minute, Liz a plaidé comme prévu. Madame la Présidente, je vous demande ici la libération conditionnelle de mon client, M. Frédéric Pierucci, sous une caution de 100 000 dollars, accompagnée du port du bracelet électronique. Et la parole revient alors au procureur représentant le gouvernement américain. Je reconnais David Novak, que j'avais rencontré la veille au siège du FBI. Madame la Présidente, je m'oppose fermement à la mise en liberté sous caution de M. Pierucci. Nous savons que M. Pierucci est un très haut dirigeant du groupe Alstom. L'affaire de corruption dans laquelle il est impliqué est particulièrement grave. Sa société a versé des pots de vin à un parlementaire indonésien pour obtenir ses faveurs. Nous avons constitué un dossier d'accusation solide. Nous possédons de très nombreux documents ainsi que des témoignages qui attestent de sa participation à une conspiration en vue de violer la loi anticorruption américaine. Si vous le libérez, il va s'enfuir. C'est certain. Et vous le savez fort bien, Madame la Présidente, la France n'extrade pas ses ressortissants. Il parlait avec force, sûr de son droit. Il affirmait l'exact contraire de ce qu'il m'avait confié la veille dans les bureaux du FBI. J'ai compris alors que je payais le prix fort pour ne pas avoir accepté de devenir sa taupe. Je dois constater que le dossier présenté par le gouvernement est très consistant. Il faudrait que la défense constitue un dossier de probation plus conséquent si elle veut que je libère son client. Madame Carlson, je veux bien vous donner un délai pour préparer un nouveau dossier. Quand pensez-vous être prête ? En fin d'après-midi, votre honneur. Non, désolé, ce sera impossible. Je dois malheureusement partir dans une heure pour un rendez-vous médical. Je vous propose de nous revoir dans 2 jours. Monsieur Pierucci, que plaidez-vous ? Coupable ou non coupable ? Non coupable. J'ai croisé le regard de David Novak. Il a fait en sorte de ne pas me voir. Il ne m'a été posé qu'une seule question. Coupable ou non coupable ? Je n'ai pu prononcer que 2 mots. Non coupable. Liz Carlson semblait défaite. Très inquiète. Je suis vraiment désolée, Monsieur Pierucci. Comme je vous l'avais dit, il faudra être patient. Elle était bien trop tendre, pour ne pas dire incompétente. Sa plaidoirie, mal préparée, n'a pas tenu plus de 2 minutes devant les arguments du procureur Novak. Résultat ? Encore 2 jours à attendre pour espérer enfin ma libération sous caution. Les gardiens m'ont entravé les poignets et les chevilles. Ils ont entouré le haut de mon corps d'une chaîne et ils ont verrouillé le tout d'un cadenas de gros calibre posé sur mon ventre. Comme je ne peux plus marcher, avec les chaînes qui me bloquent les chevilles, ils m'obligent à sautiller à pieds joints pour rejoindre le fourgon blindé qui doit me conduire à la prison de Wyatt, dans le Rhode Island. sous le numéro matricule 26613. Je suis sale. Je pue. En moins de 72 heures, ils ont fait de moi une bête sauvage, une proie jetée en pâture à Wyatt parmi les criminels les plus dangereux du Connecticut, du Massachusetts, de Rhode Island, du Maine et du Vernon. L'angoisse montait par bouffées, m'étouffait. Ils m'ont enfermé dans une cellule avec deux autres prisonniers qui m'ont vu arriver sans m'adresser un mot. 2 jours, 48 heures, 2880 minutes. Je n'avais plus de montre, plus d'alliance, plus rien. Aucun repère dans ce sarcophage de béton coupé du monde. Alors, j'ai millimétré le temps, seconde par seconde. J'ai regardé la nuit tomber et le jour se lever à travers cette meurtrière où la lumière ne passe jamais. Puis, j'ai cogné de toutes mes forces à la porte de ma cellule. Surveillant ! Surveillant ! Écoutez-moi, s'il vous plaît, surveillant ! Ça fait plus d'une heure que je devrais être sorti pour me rendre à l'audience. Qu'est-ce qui se passe ? Non, Pierucci, aucun ordre d'extraction concernant. Rien. Arrête ton cirque. C'est impossible, enfin ! Allô ? Le 26613 est comme un fou, là. Il dit qu'il doit être aujourd'hui pour une audience, tu confirmes ? Bon, désolé, mais il n'y a rien pour toi aujourd'hui. Alors maintenant, tu la fermes ou tu vas au trou, ok ? Heureusement, c'était le jour de visite de l'assistante sociale. J'ai hurlé de toutes mes forces jusqu'à obtenir le droit de faire la queue pour la voir. J'ai demandé à appeler ma femme, Clara, mais j'ai soudain réalisé que je ne connaissais pas par cœur son numéro de téléphone à Singapour. Ni aucun autre numéro de mes proches, d'ailleurs. J'étais terrifié. J'ai demandé alors à parler en urgence à Liz Carlson, mon avocate, qui restait finalement mon seul contact avec le monde extérieur. Monsieur Pierucci, mais où êtes-vous ? À Wyatt, où vous voulez que je sois ? Je suis dans le bureau de l'assistante sociale, là. Bon, quand a lieu l'audience ? À Wyatt ? Mais l'audience a déjà eu lieu, monsieur Pierucci. Pourquoi vous ne vous êtes pas présenté ? Vous êtes une cinglée ? Hein ? C'est ça, vous... une folle ! Attendez, monsieur Pierucci, ne vous énervez pas. Je crois comprendre ce qui s'est passé. Je vous l'ai dit, il faut être patient. Surtout que les nouvelles ne sont pas très bonnes. L'audience s'est bien ouverte, mais... Mais quoi ? Quoi ? La magistrate, du fait de votre absence, a reporté le jugement à dans 2 jours. 2 jours ? 2 jours ? Mais c'est pas vrai. Je crois que les surveillants ont fait une grosse bourde. Ils ont carrément oublié de vous extraire. Vous appelez ça une bourde ? 2 jours de plus ici à Wyatt ? Mais vous voulez ma peau, vous, c'est ça ? Hein ? Je viendrai demain, monsieur Pierucci, avec Stangios, mon patron. Il vous expliquera tout. Je suis sincèrement désolé, monsieur Pierucci. À demain. Et elle a raccroché. Il m'avait tout simplement oublié, au fond du trou. Comment était-ce possible ? Et si Liz mentait ? Si elle était de mèche avec le procureur Novak ? Après tout, je ne sais rien d'elle. Pourquoi lui ferais-je confiance ? Je sentais mon esprit vaciller, mon corps me lâcher. Je me voyais sombrer, seul, divaguant dans un océan de mensonges et de paranoïa. J'étouffais. La peur, la crasse, l'ultra-violence des quartiers de haute sécurité, la prison de Wyatt avait bel et bien entrepris son travail de destruction. Le lendemain, je rencontrai Stan Joss au parloir. C'est un homme d'une 60aine d'années, plutôt élégant, ancien attorney général du Connecticut, l'équivalent du procureur général en France. Il va droit au but, laconique. C'est un spécialiste de ce genre d'affaires. Monsieur Pierucci, il faut bien le dire, votre affaire est mal engagée. Ma collaboratrice Liz m'a fait part de tous vos problèmes. Mais j'ai une bonne nouvelle. Nous avons été officiellement mandatés par les avocats d'Alstom. Votre société prend en charge la totalité des honoraires de notre cabinet. Ok, et alors ? On peut dire que c'est une bonne nouvelle, non ? Non. Ce n'est pas, à proprement parler, une bonne nouvelle. Ça me paraît normal, c'est tout. Pas tout à fait, monsieur Pierucci. Alstom s'engage à payer votre défense, mais si vous êtes condamné, Alstom pourra vous demander de rembourser tous les frais. Pardon ? Monsieur Pierucci, si vous êtes condamné en plaidant non coupable, vous devrez rembourser. C'est logique. Si vous plaidez coupable, naturellement, c'est normal. En tant que coupable, vous devrez payer aussi. Dans les deux cas, quoi qu'il arrive, tous ces frais resteront à votre charge. Non, mais vous plaisantez ? Et vous appelez ça une bonne nouvelle? Vous osez venir jusqu'ici, au fond du trou de Wyatt, où je croupis comme un criminel, depuis 3 jours et 3 nuits, sans aucune raison, pour m'annoncer que je dois payer vos frais d'honoraires? Non mais vous rigolez. C'est une honte, monsieur, c'est inacceptable. Acceptable ou non, monsieur Pierucci, ce sont les conditions qu'Alstom nous a demandé de vous soumettre pour assurer votre défense. Tenez, signez-la. C'est hors de question. Vous n'avez pas le choix, monsieur Pierucci. À moins que vous ne préfériez rester en prison sans avocat. Chez nous, on appelle ça du chantage, monsieur. J'exige un contact d'urgence avec Charles Breck, le directeur du service juridique d'Alstom. C'est un ami, lui. Il saura me dire ce qu'il en est exactement. Soyons clairs, monsieur Pierucci. Depuis votre arrestation, les enchères n'ont cessé de grimper. Les enchères, mais... Nous savons qu'il faudra une très grosse somme pour vous faire sortir. Ben voyons, et je peux savoir combien ? Alstom accepte d'engager 1,5 million de dollars. Nous pensons que si vous pouviez mettre une caution de 400 000 dollars, ça pourrait suffire. Votre société accepte par ailleurs de prendre en charge la location d'un appartement et la rémunération de 2 gardes qui devront vous surveiller 24 heures sur 24. Pour me surveiller, moi ? Et pour quelle raison ? Vous pourriez être tenté de vous enfuir, regagner la France. C'est du pur délire, là. Dites-moi que je rêve. Et au final, ce serait à moi de payer tout ça, en plus. Oui, monsieur, je vous l'ai déjà dit. Si tout se passe bien, il nous faudra environ 3 semaines pour réunir la somme. Ça veut dire que je vais devoir rester encore 3 semaines ici ? En prison ? À Wyatt ? Mais c'est impossible. Alstom n'acceptera jamais une telle situation. Sachez, monsieur Pierucci, que nous n'avons aucun contact avec Alstom. Cela nous interdit. Nous avons seulement le droit de nous entretenir avec nos confrères qui défendent les intérêts de votre entreprise. Mais alors, si vous n'avez aucun contact avec Alstom, comment pourrez-vous me défendre ? Comment pourrez-vous vous procurer les documents internes qui prouvent mon innocence ? C'est une bonne question, en effet. Mais nous n'en sommes pas là. Nous en sommes là, justement ! Alors, si j'ai bien compris, monsieur, on me reproche d'avoir eu connaissance qu'Alstom a fait appel à des intermédiaires pour obtenir un contrat en Indonésie il y a 10 ans. Or, la décision d'engager des consultants extérieurs ne m'appartenait pas. Il existe des processus internes à Alstom qui sont très codifiés. Les ordres venaient du plus haut niveau de la hiérarchie et son PDG. Ce sont des détails, monsieur. L'essentiel, c'est de préparer votre demande de remise en liberté. Vous comprenez ? Mais attendez, comment pouvez-vous plaider mon dossier si vous n'expliquez pas au juge que je n'ai joué qu'un rôle sans importance dans cette affaire ? Je ne suis ni le donneur d'ordre, ni celui qui a engagé les consultants. Il fallait pour cela au moins 13 signatures et 3 signataires ultimes, rapportés directement au PDG d'Alstom, Patrick Cron. Il faut absolument que ma société vous transmette ces documents, les noms, les signatures de tous les consultants choisis dans l'affaire indonésienne. Parce que vous croyez qu'Alstom va vous donner tout ça spontanément sur un plateau juste pour vous être agréable? Mais bien sûr, pourquoi pas? Réfléchissez un peu, monsieur Pierucci. Comment voulez-vous que votre entreprise nous fournisse ces documents qui prouvent votre innocence, certes, mais qui prouvent en même temps l'existence d'un vaste système de corruption organisé au plus haut niveau du groupe Alstom, avec l'aval de son PDG, M. Patrick Cron. Vous connaissez un PDG qui se sacrifierait en avouant ses fautes et sa responsabilité pénale pour venir en aide à l'un de ses cadres? Personnellement, je n'en connais aucun. Vous voulez dire qu'il pourrait me lâcher ? Évidemment. Comment pouvez-vous imaginer une seconde qu'Alstom confie à la justice américaine toutes les preuves qui l'accablent ? Cela obligerait l'entreprise et son PDG à s'auto-incriminer, s'auto-accuser. Êtes-vous assez naïf pour imaginer qu'Alstom prendra un tel risque juste pour vous aider ? Je vous l'avoue, je ne sais plus quoi penser, là. Je suis fatigué. Alors qu'il est, monsieur Pierucci, je crois que vous êtes en grand danger. Je voudrais appeler ma femme, monsieur, s'il vous plaît. Je vais faire le nécessaire auprès de l'administration. Merci, monsieur. Au fait, pour les frais, on fait comment ? Mon instinct me dit que je ne devrais pas vous faire confiance. Signez-la. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes sûr de vous ? Oui, absolument. Je commence à avoir peur, monsieur. Vous avez raison d'avoir peur, monsieur Pierucci. L'otage de François Luciani. D'après Le piège américain de Frédéric Pierucci et Mathieu Aron, publié aux éditions Jean-Claude Lattès. Premier épisode, l'arrestation. Avec Michael Cohen, Daniel Koenigsberg, Dominique Daguier, Éric Savin, Julia Védis-Bogart, Valérie Dashwood, Grégory Kidel, Tatiana Spivakova et Bernard Gabet. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Benjamin Vignal et Laetitia Delgado. Assistante à la réalisation, Manon Dubus. Réalisation, Cédric Ossier. Walking through the fields of gold, in the distance, bombs can fall. But we're running free, facing light in the flow. And in the cherry trees, we're hiding from the world. But the golden age is over. But the golden age is over. Boy, we're dancing through the snow. Affaire sensible, la fiction. 700 millions de dollars, c'est ce que la justice américaine réclame à Alstom. Alors pour bien comprendre, il faut remonter le temps. Nous sommes en avril dernier. Une fuite dans la presse révèle qu'Alstom négocie avec le groupe américain. Une négociation secrète, tellement secrète que même le gouvernement français ignorait tout, ce qui provoque la grosse colère, souvenez-vous, d'Arnaud Montebourg. Depuis le mois de février, j'interroge Monsieur Patrick Cron, président de cette entreprise qui est notre fleuron national. Et Monsieur Patrick Cron, alors que je l'ai interrogé dûment, solennellement et sérieusement, m'a toujours dit qu'il n'avait aucun projet d'alliance. Est-ce que le ministre de l'économie doit aller installer un détecteur de mensonges dans son bureau pour les présidents du CAC 40 qui n'ont pas le civisme élémentaire d'avertir leur gouvernement ? France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui premier épisode de notre série en 6 épisodes intitulée L'Otage. Notre invité aujourd'hui, Mathieu Aron, grand reporter à l'Obs, co-auteur avec Frédéric Pierucci du livre intitulé Le Piège américain et co-scénariste avec François Luciani de son adaptation en fiction radio. Bonjour Mathieu Aron. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes un grand reporter et conseiller éditorial du magazine L'Obs, ancien directeur du service d'investigation de Radio France. Vous êtes aussi directeur de la rédaction de France Inter et vous avez recueilli le témoignage de Frédéric Pierucci, donc ancien président de la filiale chaudière d'Alstom, qui a été arrêté à New York en avril 2013 par le FBI et poursuivi pour corruption. Alors, 14 mois de prison, 2 ans de silence imposés plus tard. Il se spécialise dans les questions de prévention de la corruption internationale. J'insiste sur ces informations parce qu'elles sont très importantes. Ma première question s'adresse à l'ancien directeur de la cellule d'investigation de Radio France. On a écouté une archive assez extraordinaire de Arnaud Montebourg, qui était ministre de l'économie et du développement industriel dans le gouvernement de Manuel Valls sous la présidence de François Hollande, donc très en colère. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous découvrez l'affaire, que vous vous dites là, il y a un gros lièvre, hein, ça vous met la puce à l'oreille, ou c'est autre chose? Alors, en réalité, cette affaire, moi, je l'ai découverte dans un studio de France Inter, figurez-vous. En fait, c'est un matin, on est au printemps 2014, et à la sortie de ce studio, il y a Thomas Legrand, que les auditeurs de France Inter connaissent bien, forcément, l'éditorialiste politique. 7h40. Et Thomas Legrand, dans le couloir, me dit « Écoute, j'ai entendu parler d'une affaire absolument incroyable, c'est l'affaire Alstom, qui donc se vend à General Electric, mais derrière, il y a quelque chose de vraiment pas clair du tout. Tiens, tu devrais appeler ce monsieur. » Donc je prends le numéro de téléphone que me tend Thomas Legrand. J'appelle ce monsieur qui se trouve être un entraîneur de rugby, donc qui a priori n'a rien à voir avec cette affaire, sauf que c'est aussi l'entraîneur de rugby de l'équipe de l'ENA. Ouais. Et qu'il a entendu lui-même qu'il y avait quelque chose de louche. Il me donne un autre numéro de téléphone et au bout de 2 numéros de téléphone, je tombe sur un monsieur qui me dit « Écoutez, j'accepte de vous voir. On se voit au Café de la Paix demain à 11h. » Je vais donc au Café de la Paix à Paris, dans le quartier de l'Opéra, et en réalité, sans savoir qui je vais rencontrer. Et je m'aperçois au fil de la discussion que c'est un cadre supérieur d'Alstom, qui me dit en 2 mots, écoutez, derrière la vente de notre entreprise, entreprise qui fournit des trains, mais qui fournit aussi les turbines pour tous les réacteurs nucléaires français, eh bien, il y a une affaire de corruption. Et les Américains ont fait pression sur notre patron, Patrick Cron, pour l'obliger à vendre, et en particulier toutes les turbines qui fournissent les réacteurs nucléaires français, donc c'est énorme. Quand cette personne me fait cette confidence, moi, je connais rien à cette affaire. Bien sûr, il n'y a pas une ligne qui a été écrite dans la presse là-dessus. Je me demande dans un premier temps si j'ai affaire ou non à quelqu'un de bien raisonnable. Forcément. Donc je lui pose plusieurs questions, etc., etc. Je le renvoie une deuxième fois. Et puis, je commence à enquêter au sein de cette toute nouvelle équipe d'investigation de Radio France. Et je vais voir quelques personnes, en particulier au cabinet d'Arnaud Montebourg, qui commence à me dévoiler les dessous de cette affaire extraordinaire. Je précise que la personne que vous rencontrez en premier, Frédéric Pierucci. Non, ce n'est pas Frédéric Pierucci, figurez-vous, parce que Frédéric Pierucci, à cette époque, est en prison aux États-Unis. Voilà, donc revenons donc à cette enquête après auprès du ministère, on commence à vous dire des choses. Alors on me dit des choses et on me dit en particulier qu'il y a un monsieur, pour en venir à votre question, qu'il y a un monsieur qui lui connaît toute cette histoire, sauf qu'il y a un problème, c'est que ce monsieur, eh bien il est en prison aux États-Unis, poursuivi justement dans le cadre de cette affaire de corruption. Et à ce moment-là, moi j'ai un problème, aucune des personnes que j'ai pu rencontrer n'accepte de témoigner. Aucune n'accepte d'être citée, donc très compliqué de faire une enquête là-dessus. Mais là, vous dites, justement, c'est parce que c'est important. Là, je touche un truc important. C'est important, je touche à quelque chose qui est quand même de l'ordre d'un secret industriel, d'un secret géopolitique. J'attends un petit peu et j'essaye de joindre Frédéric Pierucci. Et au moment où il est libéré, je le retrouve à sa sortie de prison en France, je l'appelle et il accepte de me voir. Et là, c'est assez étonnant parce qu'il me donne rendez-vous, je me souviens, à Versailles. Place du marché à Versailles. J'arrive, et là, comme dans une scène de film, il y a un 4x4, vitre fumée, noire, qui pile devant moi, une porte qui s'ouvre et quelqu'un qui me dit « montez ». Je monte, je m'installe sur le siège du passager et la personne démarre tout de suite. Et elle regarde cette personne à droite, à gauche, pour voir si on n'est pas suivi. En fait, cette personne, c'est Frédéric Pierucci, qui est sorti de prison 3 semaines plus tôt. Il me dit « ça vous dérange de faire un peu de voiture ?» Je lui dis « non, on fait comme ça quelques kilomètres ». Et puis il s'arrête devant les jardins du château de Versailles. On descend et on se met à marcher dans les jardins du château de Versailles. En fait, ce que craint Frédéric Pierucci à cette époque, c'est que je sois suivi, que je sois venu avec des photographes, qu'on puisse le photographier, le filmer. Et là, on marche. Et on va marcher très longtemps parce qu'on va marcher, je dirais, de mémoire, 4 à 5 heures durant. Ah oui. Et pendant 4 ou 5 heures, ce monsieur me raconte son histoire incroyable, m'explique donc qu'il a été arrêté aux États-Unis, que bien malgré lui, il est tombé dans une forme de piège qu'ont tendu les Américains à une entreprise française en faisant pression sur le PDG pour que cette entreprise accepte de vendre cet outil industriel et stratégique aux Américains. Bien évidemment, même si j'ai cru Frédéric Pierucci, il a fallu après, et avec lui et avec d'autres, faire des dizaines et des dizaines et des dizaines de recoupements pour pouvoir reconstituer ce pôle, ce qui est absolument incroyable, et pour pouvoir après raconter, mais bien longtemps après, cette histoire. Très vite, vous sentez quand même qu'il est crédible, c'est du sérieux, quoi. Même s'il faut recouper, parce que c'est notre mission de recouper. Alors, c'est notre mission de recouper. En même temps, moi, j'ai déjà rencontré un premier cadre supérieur d'Alstom, j'ai rencontré des gens dans le monde industriel, et j'ai face à moi quelqu'un qui, à ce moment-là, juste avant d'être arrêté, dirigeait l'une des filiales mondiales d'Alstom, qui faisait 2 à 3 milliards de chiffres d'affaires annuels, qui dirigeait des milliers de personnes. Et cette personne m'explique quelque chose de très cohérent. Simplement, ce qu'il faut imaginer, c'est que ce dont j'avais peur, c'était tomber dans une théorie du complot. Ah oui. J'avais peur d'un fake news, j'avais peur qu'on me balade, j'avais peur qu'on me manipule. Donc, pendant des mois et des mois, tout ce que m'a dit Frédéric Pierucci, je l'ai vérifié, les faits, les uns après les autres. Il se trouve qu'en plus, on a un peu de chance, c'est que les États-Unis ont une procédure judiciaire très particulière, très critiquable à bien des égards, mais qui a au moins un avantage, c'est qu'elle est relativement transparente. Et donc, contrairement à la France, énormément d'actes de procédure sont en fait consultables, une fois qu'on sait comment, via Internet, et sont en accès libre. Mmh. Et donc, peu à peu, j'ai lu toute cette procédure judiciaire et j'ai pu voir que ce que me racontait Frédéric était exact au moindre détail près. You bring good to my lonely life, honestly. It's hard for me to look into your eyes when I say that I would be nothing without your love. I feel the rush and it's amazing. Selfish, but I want it all. Love will always be a lesson. Best get out of its way. 'Cause I know. I'm a prisoner to my addiction. I'm addicted to my life. That's all. Bien, donc, Mathieu Aron, de quoi s'agit-il sur le fond? Je reviens à ce qu'on pourrait penser, les Américains font partie de notre camp, d'un point de vue géopolitique. Bon, on sait que la guerre économique, elle se fait aussi avec les Alliés. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette agression d'un pays, les États-Unis, contre la France? Alors, c'est pas contre la France mais directement. Ça apparaît c'est comme pas ça, en contre tout cas. La France expliquez-nous, directement. Expliquez-nous. Alors, un tout petit peu d'histoire. Mm-hmm. On est en pleine affaire, on est au milieu des années 70, c'est l'affaire du Watergate. Vous vous souvenez, aux États-Unis, bien ce sûr. Méga scandale. Il y a eu une grande enquête parlementaire menée par le Sénat américain. Et au-delà de la problématique des micros qui avaient été posés effectivement pendant cette campagne électorale, les sénateurs se sont aperçus qu'il y avait beaucoup de pots de vin qui avaient été versés par des grandes entreprises américaines pour obtenir des contrats dans le monde entier. C'est une des conséquences de l'affaire du Watergate. À partir de là, les sénateurs américains décident de faire le ménage. Et donc, ils adoptent une loi aux États-Unis extrêmement stricte pour interdire tout pot de vin pour obtenir un marché dans un pays étranger quand c'est une entreprise américaine qui veut obtenir ce marché. À la fin des années 90, le patronat américain va avoir une idée, c'est de dire, écoutez, on vous propose de faire en sorte que cette loi ne s'applique pas qu'aux entreprises américaines, mais à toutes les entreprises du monde entier. C'est-à-dire que notre législation américaine, elle devient une législation extraterritoriale, elle s'applique absolument partout. Et là, curieusement, le FBI, le DOJ, c'est-à-dire le ministère de la Justice américain, va se mettre à poursuivre toute une série d'entreprises américaines, certes, mais d'abord des grandes entreprises de tous les pays, y compris la France, plein de pays européens, des Suédois, des Italiens, mais aussi des Français. Et peu à peu, eh bien, les grandes entreprises, les grandes multinationales européennes vont être alignées les unes après les autres, vont se voir soumises à quelque chose de simple. C'est, écoutez, voilà, il y a eu des pots de vin versés pour obtenir tel ou tel marché. Il y a deux solutions, soit bien on déclenche le tonnerre contre vous, c'est-à-dire qu'on met une centaine d'enquêteurs du FBI et on va fouiller dans tous les comptes de votre société. Charmant. Soit vous acceptez de payer une méga amende qui se chiffre en centaines de millions d'euros, voire de milliards d'euros. C'est un peu le plaidé coupable. Hein. Voilà, c'est le principe du plaidé coupable. Mmh. Et c'est ainsi que les Américains vont s'attaquer les unes après les autres à toutes les grandes entreprises européennes ou presque. Alstom en fait partie. Ce qui est particulier dans l'affaire Alstom, ce qui explique l'affaire Alstom, c'est qu'au moment où les Américains ont dit au PDG d'Alstom de l'époque, Patrick Cron, on est sur vous, on mène des investigations, donc on vous demande d'accepter de reconnaître votre culpabilité et donc d'accepter de payer une méga amende, Patrick Cron n'a pas pris au sérieux cette affaire. Et comme il n'a pas pris au sérieux cette affaire, eh bien les Américains se sont mis à enquêter et se sont mis à arrêter quelques personnes qui en fait étaient les boucs émissaires de cette affaire. Et parmi les boucs émissaires, il y a Frédéric Cerucci. Alors Mathieu Aron, c'est une décision unilatérale des États-Unis de faire justice auprès d'entreprises étrangères. Ça paraît bizarre. Ah mais c'est très bizarre. C'est très bizarre. En fait, les Américains considèrent que il suffit que ces entreprises étrangères aient fait un seul échange en dollars ou bien aient fait passer un seul mail interne par une boîte mail américaine genre Gmail pour que les Américains se considèrent comme compétents pour pouvoir poursuivre. C'est une vision extraterritoriale, extra-large de leurs droits. Et en réalité, dans cette affaire, on s'aperçoit très clairement que les Américains utilisent le droit comme un instrument de guerre économique. Bien sûr. C'est ça, et ce n'est rien d'autre que ça. Donc, pour mettre en l'occurrence la main sur un secteur industriel ô combien stratégique, le nucléaire, je rappelle que la France est la première puissance mondial du nucléaire civil si on fait le ratio entre le territoire et le nombre d'installations nucléaires. Donc oui, on met la main sur un sacré pactole. On met la main sur un énorme pactole. On s'aperçoit d'ailleurs, quand on regarde un petit peu les poursuites américaines sur les grandes sociétés européennes ou françaises, qu'à chaque fois ce sont sur des secteurs stratégiques. Oui. Sur l'énergie, sur l'aviation, sur le transport. En fait, il n'attaque pas n'importe quelle société. En l'occurrence, là, Alstom est effectivement fourni. Alors, dans une centrale nucléaire, il y a deux choses. Il y a le réacteur d'un côté, et puis il y a ce qu'on appelle la turbine. La turbine, c'est ce qui transforme la source d'énergie en électricité. Mmh. C'est pas plus compliqué que ça. Eh bien, Alstom fournissait toutes les turbines de tous les réacteurs nucléaires français et d'une partie d'ailleurs des réacteurs nucléaires, non pas américains, mais d'autres pays, en particulier russes d'ailleurs. Oui. Donc on s'aperçoit qu'il y a là un intérêt industriel majeur, un intérêt économique bien évidemment, mais aussi un enjeu géopolitique. Et on dit pas ça tout à fait au hasard. Il faut savoir par exemple que pendant la Seconde Guerre du Golfe, quand les Français ont refusé cette fois-ci d'aller prêter main forte à leurs alliés américains, il y a eu des rétorsions. Par exemple, sur le porte-avions Charles de Gaulle, il faut savoir que beaucoup des outillages sont bien évidemment, pour des raisons d'indépendance nationale, français. Mais il y a quelque chose qui n'est pas français, c'est les catapultes qui permettent d'envoyer les avions dans l'air. Là, ces catapultes sont fabriquées par une société américaine. Comme les Français n'acceptaient pas de participer à cette seconde guerre du Golfe, eh bien les Américains ont dit, écoutez, on fait un embargo sur nos catapultes. Et le chef d'état-major des armées françaises a été le premier à reconnaître à l'époque qu'il manquait de stock et qu'à 2 ou 3 semaines près, on ne pouvait plus lancer nos avions depuis le porte-avions Charles de Gaulle. Donc on s'aperçoit que oui, ce sont nos alliés, bien évidemment, ce sont nos alliés les Américains, oui, c'est sûr. Évident, mais que en matière économique, et puis quand on n'est pas d'accord, eh bien il peut y avoir des rétorsions. Toute dernière chose, rapidement, Frédéric Pierucci est arrêté, les Américains sont dit, ils savaient qu'il allait venir, celui-là on va l'arrêter, pourquoi lui plutôt qu'un autre? Alors, lui, parce que 10 années auparavant, il était basé aux États-Unis, mais en réalité, il avait suivi, alors c'est incroyable, hein, c'est une entreprise française qui obtient la construction d'une centrale électrique en Indonésie. Les Américains n'ont a priori rien à voir là-dedans. Sauf que là, il se trouve que l'un des acteurs de ce marché était quelqu'un qui avait la double nationalité indonésienne et américaine et avait été arrêté quelque temps plus tôt sur le sol américain, avait des problèmes avec les impôts et donc a dealé avec les autorités américaines et leur a dit, écoutez, voilà, si vous acceptez de ne pas me poursuivre pour mes problèmes fiscaux, ben je vais vous donner une bonne affaire, moi, qui met en cause une entreprise française. Et les Américains se sont frottés les mains, ont dit d'accord, racontez-nous. Et c'est comme ça qu'ils ont obtenu ce début de preuve sur cette affaire en particulier. Mais il faut savoir que dans le plaidé coupable qui, in fine, a été conclu, les Américains ont constaté qu'il y avait des affaires de corruption dans bien, bien d'autres pays pour Alstom. Merci infiniment, Mathieu Aron, de vos éclairages. C'est pas de le dire parce que vous connaissez parfaitement le dossier. Et nous continuerons, bien sûr, dans cette fiction qui n'a de fiction que l'affichage. Hein. On est vraiment, vraiment dans un cas réel. Donc merci encore et à demain pour la suite des aventures, si j'ose dire, d'Alstom avec les États-Unis. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, premier épisode de L'Otage, une série en 6 épisodes. Fiction écrite par François Luciani et Mathieu Aron, réalisée par Cédric Ossir. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priollet et réalisée par Anne Lioro. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Nicolas Delmas et Céline Guéribi. Retrouvez Affaires Sensibles, la pièce de théâtre adaptée de l'émission au Tristan Bernard à Paris à partir du 22 septembre.